Chapitre 17e. Le lendemain matin, M. de Garamantes se disposait à sortir pour tirer un lapin dans le petit bois qui entoure le pavillon, lorsque le vieux serviteur, qui cumulait auprès du comte les triples fonctions de garde-chasse, de valet de chambre et de cuisinière, annonça à son maître qu'un monsieur demandait à lui parler. « Quel monsieur ?» demanda le comte. « Celui d'à côté. Monsieur le comte le connaît bien. » Le joli blond qui est toujours à se promener dans les bois avec la demoiselle du château. Florimond prononça ces mots avec une nuance de dédain. Il était royaliste comme un chouan, le vieux brave, aristocrate à sa manière, et manquait tout à fait de considération pour cette bourgeoisie riche qui se permettait d'acheter les domaines des nobles ruinés. Il avait trois gros griefs contre la République. Comme garde, il la rendait responsable des progrès du braconnage, comme valet de chambre de la diminution des pourboires, comme cuisinière de l'augmentation du beurre. N'est-ce pas ainsi, après tout, que se font les opinions politiques ? « Fais entrer, » dit le comte. « Que diable peut-il donc me vouloir ?»« Monsieur, » dit Mareuil en s'avançant, « je serais heureux d'obtenir de vous la faveur d'un moment d'entretien. »« Quelle solennité, monsieur, à la campagne, entre voisins, de si bonne heure ?» C'est que j'ai à vous parler de choses qui, sans être solennelles, ne laissent pas d'avoir leur importance, comme il vous paraîtra peut-être après m'avoir entendu. » Le comte, frappé de la pâleur du jeune homme et d'un certain air de résolution qu'il ne lui connaissait pas, inclina légèrement la tête, montra du doigt un fauteuil, puis s'assit en disant, non sans un peu de gravité, « Je suis à vos ordres, monsieur Mareuil. » En même temps, il plantait dans les yeux de Henri son regard clair et scrutateur. « Monsieur, » reprit Henri, « vous m'avez hier soir traité sévèrement. Oh, inutile de vous en défendre, » fit-il sur un geste du comte. « Protestation de pure politesse, croyez-le bien, » répliqua M. de Garamantes avec un peu de hauteur. « Puisqu'il vous plaît d'appeler les choses par leur nom, eh bien oui, je vous ai parlé sans ménagement, comme il convient de le faire lorsqu'on veut remettre dans le droit chemin un galant homme qui se fourvoie. C'est peut-être beaucoup de sollicitude pour qu'il ne vous en demandait point, monsieur le comte, mais il n'importe. Votre perspicacité n'était pas en défaut lorsqu'elle vous a révélé le drame intime qui se joue au Charmy, dit-il avec un sourire triste. C'est une pièce à trois personnages, une victime, un traître et une grande coquette, n'est-ce pas ? Interrompit le comte. Peut-être. Je ne sais comment qualifier ce rôle. Vous m'aiderez tout à l'heure à trouver un nom. Quoi qu'il en soit, le traître est devant vos yeux, c'est moi. Oui, moi. Cette nuit, je me suis traîné aux genoux d'une femme qui devait m'être sacrée, puisque je la savais aimée de Jacques. Diable ! L'affaire marchait plus vite que je ne pensais. J'estimais hier soir que vous en aviez encore pour une huitaine avant de perdre complètement la tête. On retarde toujours un peu à mon âge, tandis que l'on avance au vôtre, jeune homme. Alors c'est fait. Vous lui avez chanté votre grand air, elle vous a servi un des morceaux de son répertoire. À propos, avez-vous noté les paroles et l'accompagnement de sa partie à elle? Cela devait être intéressant à entendre pour un dilettante comme moi, qui ne fait plus de musique. Et le duo terminé, vous vous êtes senti pris de remords, n'est-ce pas? Oui, c'est dans l'ordre. Satanée conscience humaine. Toujours le sommet lourd avant la faute, léger après. « Enfin, vous venez vous confesser, n'est-il pas vrai ?»« Mais oui, à peu près. »« Heureux, si en m'accusant, je me réhabilite. »« Eh, cher monsieur, laissons-là les grands mots. »« Avant la crise, je les aurais peut-être employés moi-même pour vous effaroucher, comme on met des mannequins dans les arbres à fruits afin d'écarter les moineaux. »« Mais quoi ? Vous avez mordu à la cerise, il n'est plus temps. »« Causons donc raisonnablement. »« Voyez-vous, monsieur Mareuil ? Il n'y a rien dans tout ce qui arrive dont je sois surpris. Vous aviez prévu que... Mon Dieu, oui. Quand j'ai su, lors de ce bal où j'eus le plaisir de faire votre connaissance, que votre ami Henriot commettait l'imprudence de vous installer dans la place au moment même qu'il la quittait, il m'est venu à l'esprit, excusez-moi. Je ne sais quelle réminiscence de Troyen introduisant le cheval de bois dans Ilion. Quelle folie, ai-je pensé, de vouloir en amour s'adjoindre un surnuméraire. Sans compter que vous m'aviez tout l'air d'un homme qui ne dédaigne pas l'avancement. Si j'avais été alors l'ami de ce brave Henriot comme je le suis devenu depuis, j'aurais essayé de le mettre en garde contre cet excès de confiance, qui prouve combien ce cœur excellent est riche en illusions. Croire que Mademoiselle André passerait plusieurs mois à la campagne, au fond des bois, seule, en compagnie d'un homme qui a de jolies moustaches, de l'esprit et de la littérature, sans s'amuser à lui tourner la tête, ne fût-ce que pour tuer le temps et s'entretenir la main, cela était vraiment un peu simple. Et il y a beau jour que j'ai cessé d'être naïf, monsieur. Et maintenant, que me conseillez-vous de faire? Approuvez-vous mon dessein de quitter la famille Passemard au plus tôt et sous le premier prétexte venu? Entièrement. Et je vous félicite d'avoir déjà compris que votre place n'est plus ici. Je vais partir. Un instant, cher monsieur. Il s'agit de faire en sorte que votre ami ne puisse jamais soupçonner la cause véritable de votre départ. Vous connaissez Henriot. Il serait capable de tout s'il venait à savoir ce qui s'est passé. Pour Dieu qu'il ne se doute de rien, monsieur. Imaginez une fable. Voyons, cherchons ensemble. Tenez, dites-lui par exemple que vous avez reconnu l'inutilité de vos efforts, que Mademoiselle Passemard songe de moins en moins à devenir sa femme et qu'elle vous paraît au contraire prête à jeter son dévolu sur quelque autre soupirant. Lequel? Mais nous n'avons que l'embarras du choix. Morincourt, par exemple. D'autant plus qu'il pourrait bien se faire qu'en désignant celui-là, vous ne fussiez pas déjà si loin de la vérité. Quoi? Vous croyez? Ce méchant versificateur, ce peintre sans talent, elle irait s'affubler d'un mari pareil? Qui sait? Notez que je n'affirme rien. J'ai seulement entrevu le personnage, et je crois qu'il s'entend mieux à assiéger de loin, avec prudence et méthode, le cœur d'une jeune vaniteuse qu'à faire de bons verres ou de bonnes peintures. Il a déjà le talent de lui faire trouver très remarquables ses sonnets et ses tableaux, que nous jugeons également médiocres. Cela est d'un habile homme, et vous verrez peut-être que cet hiver, quand elle ne pensera plus ni à Jacques déjà oublié, ni à vous qui, le dépit aidant, le serez bientôt, Mademoiselle Passemard se résignera sans trop de peine à devenir Madame la Vicomtesse de Morincourt. Que voulez-vous? Cela flatte toujours de porter une couronne sur les panneaux de sa voiture quand on a un papa qui fait des pains de sucre. Mais la famille Passemard est républicaine et André elle-même. Oh, Monsieur Mareuil, je ne m'attendais pas à trouver en vous tant d'ingénuité. Et dire que je ne pourrais pas même la disputer à cet homme. Ah, mais non, par exemple. Contentez-vous de l'avoir enlevé à Jacques, cela suffit. Vous êtes cruel. Bon, il faut bien faire un peu crier le patient, quand pour le guérir mieux et plus vite, on cautérise sa plaie. Vous me remercierez. L'aimable homme serrait la main de Henri et le regardait avec un sourire indulgent. Il y avait tant de bonté sur ce beau visage loyal que Mareuil se sentit tout à fait désarmé. Je vous remercie déjà, dit-il avec effusion. Adieu, docteur. Au revoir, mon cher convalescent, et pas de rechute. Partez vite. L'air de ce pays-ci ne vous vaut rien. Quand vous serez à Paris, la tête entièrement dégagée et le pouls tout à fait calme, écrivez-moi, tenez-moi au courant. J'aime mes malades. Qui vous le rende bien. Au revoir. 2 heures après, Henri faisait enregistrer sa malle dans la gare de Fontainebleau et prenait le train de Paris. Pendant ce temps-là, André achevait sa toilette, tout en méditant sur l'événement de la nuit. « J'ai peut-être été un peu loin, » se disait-elle, « mais aussi il fallait bien en finir. » Voilà ce pauvre Morincourt qui s'en va rejoindre Jacques. Elle resta un instant pensive. « Allons, » reprit-elle, « adieu les armoiries. Décidément, je serai Madame Henri Mareuil tout court, il parle bien. » En poussant ce garçon-là vers la politique, c'est la députation dans 2 ans, et qui sait, plus tard. Il est très fort, en somme, et charmant. Quelle drôle d'idée a eu Jacques de me le donner pour garde du corps. Elle allait descendre au salon, quand sa femme de chambre entra, tenant un pli cacheté à la main. « Mademoiselle, voici une lettre pour vous que M. Mareuil a remise à Baptiste en partant. » Elle se laissa tomber plutôt qu'elle ne s'assise sur sa chaise longue. « En partant, » dit-elle. « Il est donc parti. Donne. » Elle lut. « Mademoiselle, une dépêche arrivée ce matin à la première heure m'apprend que mon père est tombé gravement malade. Je pars pour Rouen. Il est trop tôt pour que je puisse vous faire mes adieux. Ce billet que je griffonne à la hâte vous les portera, avec les excuses que je vous prie de transmettre à madame votre mère et à monsieur Passemard. J'emporte le souvenir cher et attendri des 4 mois que je viens de passer au Charmy, Henri Mareuil. Va demander à Baptiste s'il est arrivé une dépêche ce matin, de bonne heure au château, dit André, très pâle et les sourcils froncés. Non, mademoiselle, dit la femme de chambre en entrant. Bien. Elle se redressa brusquement, et froissant le papier qu'elle tenait à la main, elle en fit une boule, l'acheta à Slug accroupi sur un tapis, en laissant tomber d'un air de dédain suprême ces 2 mots « grande bête ». La femme de chambre a toujours cru qu'André parlait du chien,